sait pas encore. Présentons-nous sans effort, mais ne jugeons pas de suite, sans même savoir ce qui suit. J'ai d'abord aimé ton corps, tu me diras peu importe. Je n'aime pas qu'on te félicite uniquement sur ton physique. Tu as éteint tout le monde ou presque, avec un regard, un sourire. Oh oui. Et je ne vois que toi dans cette fête, comme si la salle était vide. Oh oui. Tout le monde est là, mais la lumière est restée sur toi, comme s'il n'y avait rien d'autre à voir. Le début et la fin de l'histoire, c'est toi. Te séduire sans que tu devines quel effet tu fais, tu m'as fait. Pour te séduire sans que tu devines que tu étais sec. Je disais, j'aime savoir tu chantes mes compliments sans savoir. Tu es la seule personne ici qui est concernée. Oh, ce que j'aime te voir dans l'insouciance totale, sourire gentiment sans aucune arrière-pensée. Tu es de ceux qui inspirent tellement de choses à dire. Est-ce que t'as conscience de ça, ou bien tu l'es sans le vouloir? J'ai envie d'être naïf et de penser que ce qui m'arrive, c'est le coup du sort. On m'a ramené là pour me rappeler qui est qui. Les yeux brisés insensibles à ton charisme infatigable. Tu t'embeurs de mes mises en scène, tu me montres qui est qui. Et puisque l'occasion s'y prête, laisse-moi te montrer qui je suis. Oh oui. Enlève les strass et les paquettes, je sais vivre au ralenti. Oh oui. Tout le monde est là, et la lumière est restée sur toi, comme s'il n'y avait rien d'autre à voir. Le début et la fin de l'histoire, c'est toi. Te séduire sans que tu devines quel effet tu fais. Tu m'as fait. Sans savoir, tu es la seule personne ici qui est concernée. Oh, ce que j'aime te voir dans l'insouciance totale, sourire gentiment sans aucune arrière-pensée. Tu as mis l'armure devant, mais j'aimerais prendre le temps d'aller regarder dedans et de voir si ton cœur m'entend, même s'il n'est pas à vendre. Expliquer doucement, tu me fais me sentir comme avant.